Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 35. De la douleur ou de la tristesse? Définition de la douleur. Rapport de la tristesse et de la douleur. À quoi la tristesse est opposée? La douleur de l'âme est plus grande que celle du corps. Quatre espèces de douleur. 1. La douleur est-elle une passion de l'âme? Saint Augustin met avec raison la douleur au nombre des passions de l'âme, quand il cite un vers de Virgile dont le sens est « De là leur crainte et leur désir, leur joie et leur douleur ». De même que la délectation requiert deux choses, l'union avec un bien, et la connaissance de cette union, ainsi la douleur implique à la fois l'union d'un être avec un mal, et la connaissance de cette union. Or, puisque la douleur, comme la délectation, suppose dans le même sujet sensation et connaissance, elle doit appartenir à l'appétit intellectif ou à l'appétit sensitif. Les mouvements de l'appétit sensitif étant des passions, surtout quand ils impliquent une défaillance, il est clair que la douleur, en tant qu'elle existe dans cet appétit, mérite d'être appelée une passion de l'âme, tandis que la douleur corporelle se nomme une maladie du corps. Note. Dans l'un et l'autre cas, la douleur est dans l'âme, sans laquelle le corps n'éprouverait aucune sensation. La douleur corporelle est ainsi appelée parce qu'elle a sa source dans le corps. Fin de la note. 2. La tristesse est-elle la même chose que la douleur? Douleur et tristesse sont deux mots à peu près synonymes, comme on le voit par ce passage de saint Paul. Je suis saisi d'une grande tristesse et mon cœur est pressé d'une douleur profonde. Romains 9, 2. Quoi qu'il en soit, de même que la délectation causée par la perception interne s'appelle seule la joie, ainsi la douleur produite par la perception interne se nomme plus proprement la tristesse, au lieu que celle qui résulte de la perception externe conserve mieux le nom de douleur. La tristesse est une espèce dans le genre de la douleur. Note. Le mot douleur, suivant le vocabulaire, convient surtout à la douleur corporelle, qui nous est mieux connue que la douleur spirituelle. La tristesse embrasse le présent, le passé et le futur, la douleur corporelle ne rapporte qu'au présent. On peut définir la tristesse, l'abattement de l'âme en proie à la douleur physique ou morale, ou bien, avec Bossuet, une passion par laquelle l'âme, tourmentée du mal présent, s'en éloigne autant qu'elle peut et s'en afflige. Fin de la note. 3. La tristesse est-elle contraire à la délectation? Dans la joie, dit saint Augustin, la volonté donne son consentement, dans la tristesse, elle le refuse. Donc la tristesse et la joie sont contraires. La tristesse, en effet, provient d'un mal présent, et la délectation d'un bien également présent. Les objets de ces deux affections étant contraires, elles le sont elles-mêmes. Note. La tristesse, néanmoins, peut produire accidentellement la joie de deux manières. Premièrement, lorsqu'elle porte à la rechercher avec plus d'ardeur, comme un remède à la présence du mal ou à l'absence du bien. Ainsi, le voyageur altère et recherche l'eau pour étancher sa soif. En second lieu, la tristesse actuelle nous conduit aux consolations de la vie future, comme on le voit par cette parole, « Bienheureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés » Matthieu 5, 4. Aussi l'espoir des biens éternels nous fait-il supporter les maux de cette vie, pleurer sur nos péchés et gémir sur notre exil, car nous savons que la gloire du ciel sera le prix de nos travaux et de nos peines. La douleur elle-même peut avoir ses charmes, soit qu'elles s'unissent à l'admiration, comme dans les représentations théâtrales, soit qu'elles réveillent le souvenir d'un objet aimé dont l'absence fait languir d'amour, soit enfin qu'elles portent à aimer les personnages malheureux que les acteurs représentent. Fin de la note. 4. Toute tristesse est-elle opposée à toute délectation? La tristesse et la délectation ont-elles rapport au même objet? Elles sont contraires spécifiquement l'une à l'autre. Se rapportent-elles à des objets différents qui, pour être dissemblables, ne sont pas opposés, comme s'affliger de la mort d'un ami et se réjouir dans la contemplation? Elles sont elles-mêmes disparates sans être contraires. Ont-elles, enfin, des objets diamétralement opposés, comme s'affliger du mal et se réjouir du bien? Loin d'être contraires, elles ont entre elles de la convenance et de l'affinité. 5. Est-il une tristesse qui soit contraire à la joie de la contemplation? Il est écrit de la sagesse. 8, 16. Sa conversation n'a point d'amertume, sa société n'a point d'ennui, on ne trouve en elle que plaisir et joie. Comme c'est par la contemplation que l'on converse avec la sagesse, il n'y a pas de tristesse contraire à la joie de la contemplation. Toutefois, le mot joie de la contemplation nous offre une double signification. Cette expression peut marquer que la contemplation est la cause, mais non l'objet de la joie. Dans ce cas, rien n'empêche que la tristesse ne se mêle à cet exercice, car on peut contempler des vérités nuisibles et contristantes aussi bien que des vérités pleines de douceur. Mais si l'on entend que la contemplation est tout à la fois la cause et l'objet de la joie, en ce sens que l'on se réjouit de la contemplation elle-même, qui est une opération parfaite, la joie qu'elle cause ne saurait être mêlée d'aucune tristesse, si ce n'est indirectement par la fatigue qu'elle entraîne après elle dans les facultés sensitives et dans les membres du corps. 6. Fuit-on la tristesse plus qu'on ne recherche la délectation? Le désir du plaisir est plus puissant en nous que la fuite de la tristesse, par la raison même que le bien est plus fort que le mal. Quelle est, effectivement, la cause de la délectation? Un bien qui convient. Quelle est celle de la tristesse? Un mal qui répugne. Or, un bien peut convenir à tous égards, au lieu que, le mal renfermant toujours quelque bien, aucun ne répugne de tout point. De plus, le bien est recherché pour lui-même, et le mal n'est évité qu'à cause du bien dont il prive. Ce qui est par soi l'emportant sur ce qui n'est que par un autre, le bien a nécessairement une force supérieure à celle du mal. Cela nous explique pourquoi la volonté, semblable au corps dont le mouvement naturel est plus fort et plus rapide en approchant du terme qui convient à leur nature qu'il ne l'est en quittant le point pour lequel ils ont de la répugnance, a plus d'inclination pour la joie, qui est son terme, qu'elle n'a d'éloignement pour la douleur. Accidentellement, cependant, le contraire se présente dans trois cas. Premièrement, quand la douleur réveille l'amour d'un objet aimé dont elle fait sentir le besoin. Secondement, dès que la cause qui l'a produit attaque un bien préféré à celui que donne la délectation, car, aimant mieux, par exemple, l'intégrité de notre corps que les plaisirs de la table, nous sacrifions ces derniers pour éviter les blessures ou les coups. Troisièmement, lorsque la tristesse menace d'engloutir tout notre bonheur, et non pas seulement quelques-unes de nos joies. 7. La douleur du corps est-elle plus grande que la douleur de l'âme? La tristesse du cœur, nous dit l'Esprit Saint, est une plaie universelle. Ecclésiastique 25, 17. Quoique ces deux sortes de douleurs répugnent à l'âme, Ce qui cause la douleur corporelle ne lui répugne qu'indirectement, et, sous ce rapport, la douleur de l'âme l'emporte sur la souffrance du corps. Les perceptions de l'imagination et de la raison sont, en outre, d'un rang plus élevé et plus étendu que la sensation du toucher. À cet autre point de vue, la douleur de l'âme l'emporte encore sur celle du corps. Nous voyons les hommes, en effet, se soumettre volontairement à des souffrances corporelles pour éviter les douleurs de l'âme. Lorsque ces souffrances ne répugnent point à la volonté, elles deviennent même une cause de bonheur et de jouissance. Mais elles peuvent aussi être accompagnées de la douleur de l'âme, et alors elles contribuent à l'augmenter, car celle-ci est non seulement plus forte que la souffrance du corps, mais elle est plus générale. Elle embrasse à la fois tout ce que le corps, les sens, l'imagination et la raison peuvent percevoir, et voilà pourquoi l'Écriture l'appelle, dans le texte cité plus haut, une plaie universelle. 8. Y a-t-il quatre espèces de tristesse? Il y a quatre espèces de tristesse, l'abattement, l'anxiété, la compassion et l'envie. La tristesse est-elle conçue au sujet du bien d'autrui, que nous considérons comme notre propre mal? Elle prend le nom d'envie. La tristesse est-elle conçue au sujet du mal d'autrui, que nous considérons comme le nôtre propre? Elle s'appelle la compassion. La tristesse pèse-t-elle sur notre âme à la vue d'un mal auquel il nous paraît impossible d'échapper? Elle se traduit par l'anxiété ou l'angoisse. La tristesse nous accable-t-elle au point que nos membres extérieurs en deviennent paralysés? C'est l'abattement. Markendanarchive.org 2020. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial. Partage à l'identique.